Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 137. De la persévérance. Que la persévérance est une vertu qui fait partie de la force. Ses rapports avec la constance. Nécessité de la grâce pour persévérer. 1. La persévérance est-elle une vertu? Toute difficulté particulière suffit aux yeux de la raison pour spécialiser une vertu, or les difficultés proviennent tantôt des actes mêmes, tantôt de la longueur du temps. Comme il y en a une toute spéciale à s'appliquer longtemps à quelque chose de pénible, la persévérance, qui soutient l'homme autant de temps qu'il est nécessaire dans les œuvres laborieuses, est elle-même une vertu spéciale dont le propre est de persister jusqu'à leur achèvement. Note. Pour le soldat, persévérer, c'est rester jusqu'à la fin du combat. Pour l'homme magnifique, c'est achever l'œuvre commencée. Pour les vertus qui, comme la foi, l'espérance et la charité, doivent continuer leur action pendant la vie entière, la persévérance n'est complète qu'à la mort. Fin de la note. 2. La persévérance fait-elle partie de la force? La force, qui conserve la fermeté d'âme dans les circonstances les plus difficiles, dans les périls de mort, est une vertu principale, à laquelle se rattachent toutes celles dont le mérite consiste à supporter avec courage ce qui est difficile. Or, se tenir ferme contre les difficultés qui naissent de la longueur d'une entreprise, c'est le mérite de la persévérance, mais, cette fermeté n'étant pas aussi difficile que celle qui est nécessaire dans les dangers de mort, la persévérance s'adjoint à la force, comme une vertu secondaire à une vertu principale. 3. La constance se rapporte-t-elle à la persévérance? Entre la constance et la persévérance, vertus qui nous affermissent l'une et l'autre dans le bien, il y a communauté de fin, elles diffèrent uniquement par le genre des obstacles qu'elles ont à surmonter. Les difficultés de la persévérance proviennent de la longueur d'une entreprise, celles de la constance, des autres obstacles extérieurs, les premières ayant plus d'importance que ces dernières, parce qu'elles sont plus intimement liées à un acte vertueux, la persévérance est une partie de la force plus importante que la constance. Note. Mais, comme la constance a le même but que la persévérance, elle s'en rapproche plus que de la patience. Fin de la note. 4. La persévérance a-t-elle besoin du secours de la grâce? La persévérance, dit très bien saint Augustin, est un don de Dieu. En effet, entendons-nous par la persévérance l'habitude vertueuse qui porte ce nom? Cette habitude a besoin de la grâce sanctifiante, comme les autres vertus infuses. Prenons-nous la persévérance pour les actes de cette habitude qui doivent durer jusqu'à la mort, il leur faut, outre la grâce habituelle, un secours gratuit de Dieu, ainsi que nous l'avons montré en traitant de la grâce. La grâce habituelle, pendant cette vie, n'ôte pas au libre arbitre, versa-t-il par sa nature, le pouvoir de changer ses résolutions. Alors même que la grâce l'a réparé, il ne peut rester de lui-même invariablement attaché au bien, quoi qu'il puisse le choisir, très souvent l'élection est en notre pouvoir, mais non l'exécution. Note. Vainement l'on prétendrait que le seul penchant de la vertu suffit à la persévérance. La persévérance, comme vertu, nous incline, il est vrai, à rester dans le bien, mais la volonté, toujours libre de faire usage à son gré d'une habitude, n'est pas contrainte d'en accomplir les actes jusqu'à la mort. Adam reçut le pouvoir de persévérer par son libre arbitre. Il n'en est pas de même de nous. La corruption de notre nature rend notre persévérance plus difficile. Que l'homme puisse persévérer de lui-même dans le péché, cela se conçoit, en y tombant, il fait, autant qu'il est en lui, tout ce qu'il faut pour y rester, à moins que Dieu ne vienne à son secours. Mais, en faisant le bien, il ne fait pas tout ce qu'il faut pour persévérer, de lui-même il peut pécher, il a donc besoin, à cet égard, du secours de la grâce. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.